deuxième et dernière séance donc de nos révisions des matières physiques, des matières scientifiques pardon, du baccalauréat. Après SVT et chimie, on termine donc, vous l'aurez compris, par la physique avec, comme tous les jours et comme les jours précédents, une partie du programme sur laquelle nous allons revenir pour en éclairer les difficultés spécifiques. Il s'agit de ondes et particules, puis un exercice corrigé en direct et pour finir une large partie de méthodologie puisque comme nous le promet l'un de nos invités, à niveau et compétences égales, en adoptant une très bonne méthodologie, on peut gagner facilement 3 ou 4 points de plus. Avoir 4 points en plus à sa note de physique-chimie, c'est la promesse que nous faisons à l'issue de cette émission. Révision de physique, ondes et particules, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et la personne qui s'engage ici même devant vous à vous faire gagner 3 à 4 points sur votre copie de physique-chimie, mais aussi peut-être qui sait, sur les autres épreuves scientifiques, c'est Michel Fay, bonjour. Bonjour, Michel Fay, professeur de physique-chimie jusqu'à peu de temps au lycée Louis-le-Grand et aussi responsable d'anal de physique et de chimie. Et voilà, directeur de la préparation aux Olympiades de physique-chimie. En plus, et vous êtes autant dire un coach de luxe pour cette épreuve. Et pour vous accompagner et vous soutenir dans cette session de préparation intensive pour passer aux travaux pratiques puisqu'il a amené un certain nombre d'objets qui vont être mis à contribution au cours de cette heure de révision, Edouard Kirlik, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physique à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire de physique théorique de la matière condensée. Vous pouvez, comme chaque jour, suivre cette émission sur les ondes de France Culture. Et en parallèle, et ça sera utile aujourd'hui parce qu'on va parler certainement de schémas, d'équations. Donc on va mettre tout ça en parallèle sur notre fil Twitter, @laméthodefc, où vous pouvez par ailleurs également nous poser un certain nombre de questions sur cette partie du programme ou sur, plus généralement, le programme de physique. Voilà, on vous attend donc et on attend vos questions sur le fil Twitter, @laméthodefc. Alors, on va commencer bien par le commencement. On va s'atteler à une partie seulement de ce programme de physique, ondes et particules. Qu'est-ce qui fait, selon vous deux, la complexité de cette partie du programme? Pourquoi faut-il, selon vous, concentrer ces révisions dessus, Michel Fay? Puis on peut dire que plus des trois quarts des sujets de physique portent soit sur les ondes, soit sur la mécanique. D'où c'est le choix qui a été fait de privilégier les parties de physique qui tombent le plus fréquemment au baccalauréat. Quels sont les points spécifiques, à votre avis, dans ce programme sur lesquels il faut insister? Quels sont les points les plus importants, selon vous, à réviser pour bien maîtriser cette partie du programme? Pour maîtriser alors la mécanique qui tombe pratiquement, on va dire, dans les trois quarts, voire plus des sujets, c'est un, d'abord, bien lire le sujet, ne pas hésiter à faire un schéma pour bien comprendre la problématique posée. Et après, je répète d'abord, vraiment bien lire, parce que si on va trop vite, on oublie des données et on va analyser question après question. Par exemple, on va avoir dans l'exercice qu'on va étudier, c'est-à-dire le sujet son et lumière de l'an dernier, on va avoir des projectiles, bien préciser dans quel repère on travaille, marquer les axes, et après savoir appliquer les lois de Newton, qui sont les matières de les parties de base de la mécanique en terminale. Alors ça, vous, on grille un peu les étapes parce qu'on fait de la méthodologie, on regarde le sujet. On va essayer de se concentrer dans un premier temps vraiment sur le programme, c'est-à-dire sur l'enseignement théorique de cette partie du programme Monde des particules. Edouard Kirlik, si vous vous mettiez dans la peau d'un étudiant en terminale, d'un lycéen qui révise cette partie, quels sont selon vous les points qui sont les plus conceptuellement difficiles à intégrer? Sur quels endroits il faut un peu insister à votre avis pour bien comprendre cette partie ondes et particules? Alors d'abord, je voudrais rappeler en tant que physicien que ce n'était pas un hasard que ces parties soient aussi présentes dans le programme de physique du lycée de la spécialité S. Parce que ondes et particules, c'est vraiment le cœur de la physique. Si vous regardez les actualités scientifiques, que je l'ai fait récemment sur un site qui s'appelle physics.org, par exemple, et qu'on se dit, voilà, qu'est-ce qui relève de ce programme-là, qu'est-ce qui est en rapport avec ce programme, c'est au moins la moitié des actualités. La lumière, c'est quand même le messager des étoiles. C'est aussi notre moyen de sonder la matière. Et c'est absolument crucial de ce point de vue de physicien. Ensuite, quand je regarde le programme tel qu'il a été rédigé, moi, un des points qui me semble conceptuellement le plus difficile, c'est qu'à la fois ont des particules, ça, il y a une certaine unité, c'est d'ailleurs comme ça qu'est rédigé le programme, on fait apparaître les notions communes que peuvent être les interférences, la diffraction, l'effet Doppler, et à la fois, ça recouvre une variété de phénomènes qui est très très différente. C'est les sons, c'est les tremblements de terre, c'est la houle, c'est la lumière avec tout son spectre lumineux, hein, des rayons X aux ondes radio. Et pourtant, il y a une unité et il y a des différences. Et je crois que la difficulté pour un lycéen, c'est vraiment d'appréhender voilà, qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent dans ces domaines de physique. Sur cette partie du programme. Peut-être qu'on peut prendre simplement, justement sur la partie particules, rayonnement, qu'est-ce qu'il faut bien comprendre ? Quels sont, à votre avis, les points conceptuels sur lesquels il faut vraiment être solide pour arriver tranquillement à l'épreuve, Michel Faye ? Bon, déjà, bien comprendre pour tout ce qui est lumière, la relation entre l'énergie et la longueur d'onde, ce qui a caractérisé un peu une lumière. La relation E égale H nu ou HC sur lambda, c'est la relation de base qui d'ailleurs dans l'exercice posé l'an dernier au bac était la relation qui permettait de faire toute la partie onde de ce sujet. Et bien surtout, faire attention aux unités, l'énergie c'est des joules, la fréquence c'est des hertz et la longueur d'onde c'est des mètres. Avec ceci, on est pratiquement sûr de faire ce sujet-là. C'est vraiment la relation. On aurait qu'une seule présence, c'est celle-ci. D'accord, donc ça, c'est pour la partie plutôt particule ou sur la partie onde, sur la partie onde. Un mot peut-être sur cette partie, sur les mécaniques, sur la propagation des ondes, sur comment est-ce que vous l'aborderiez-vous, Edouard Kirlik? Alors pour moi, un des points qui me paraît crucial, c'est de bien comprendre, oui, quand on regarde l'intitulé du programme, il y a onde progressive périodique, onde progressive sinusoïdale. Je crois que c'est important que le lycéen puisse appréhender les différentes dans ce vocabulaire. L'onde, c'est un simple clap. Hein. Vous voyez, je tape dans ma main, vous entendez un son, je viens d'émettre une perturbation de la pression de l'air environnant, une perturbation qui se propage de proche en proche et ça donne donc une onde qui en fait juste, voilà le son passe et c'est fini. Il faut pouvoir le distinguer des ondes périodiques que l'on va nous entendre comme un son avec une certaine hauteur. Voilà. Et puis parmi toutes ces ondes périodiques, on va distinguer celles qui donnent le son réputé le plus pur, en tout cas acoustiquement, qui est l'onde sinusoïdale. Donc ça, cette distinction-là, de se rendre compte que l'onde n'est pas seulement, hein, parce que c'est un peu la caricature, hein, l'onde périodique sinusoïdale qu'on a, en tout cas ma génération, a subi pendant une longue période. Voilà, ce n'est qu'un cas particulier, qu'un domaine beaucoup plus vaste. Et d'ailleurs, dans le sujet qu'on verra tout à l'heure, on s'intéresse essentiellement hein, à l'aspect clap, à la limite, le bang du feu d'artifice. Parce qu'on va parler évidemment du feu d'artifice. Michel Faye, sur cette question sur les ondes, sur la propagation, par exemple, sur les dimensions de propagation. Alors, dimensions de propagation, bien voir que il y a d'un côté les ondes lumineuses qui, elles, vont à la vitesse de la lumière, ça pourrait être simple. Les ondes mécaniques, par contre, ont une vitesse très différente qui dépend du milieu dans lequel elles se propagent. On peut aussi propager des ondes à une dimension, l'onde d'une corde, à deux dimensions sur un plan, et à trois dimensions, comme les tremblements de terre, ou dans des liquides solides. L'exercice qu'on a étudié aujourd'hui va se limiter aux ondes lumineuses. On a parlé aussi des particules. Alors, les particules en terminale, deux grandes familles. Les particules, je dirais, qui vont à la vitesse de la lumière. C'est tout ce qui est l'énergie nucléaire, les muons, et on utilise la mécanique relativiste. Ça tombe rarement au baccalauréat. La deuxième grande partie, c'est les particules, les petits corps solides, et là, c'est la loi de Newton classique, c'est la physique classique, on va dire, et l'exercice qu'on va lancer nos fusées en l'air, là, lumineuses, c'est cette partie-là qui va être étudiée dans l'exercice qu'on va voir maintenant. Dans quelques instants. Un mot peut-être aussi sur les propriétés des ondes. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut réviser en particulier sur, que ce soit sur les ondes mécaniques, sur... qu'en pensez-vous, Edouard Kirlik? Alors là le sujet est tellement vaste. Oui, donc, c'est-à-dire sur la diffraction, sur les propriétés. La diffraction, elle est explicitement au programme et c'est vraiment un point à bien saisir. C'est-à-dire une onde qui rencontre un obstacle ou que l'on fait passer, entre guillemets, à travers un trou, eh bien, au-delà de ce trou, de cet obstacle, elle a changé. Elle a changé de forme. Et le cas le plus classique que l'on donne, par exemple, pour des lycéens, me semble-t-il, c'est la diffraction par un fil avec un cheveu, hein, qui permet de montrer que de la lumière qui auparavant allait tout droit, après le cheveu, elle présente un cône de diffraction qui est relié, donc, à la fois, l'angle est relié à la longueur d'onde et à la dimension du cheveu. Donc ça, c'est un point important parce que ça nous permet de comprendre aussi comment on va sonder la matière, hein, grâce à des lumières de longueur d'onde précises. Et ça nous permet d'estimer des dimensions en étudiant justement ce phénomène de diffraction. En deux mots, Michel Faye, il y a diffraction quand l'onde est limitée. On a limité son passage. Et il faut savoir que la diffraction permet d'aller vers les réseaux. Et les réseaux permettent de faire des spectres. Avec les spectres, on peut étudier la lumière des étoiles. Et c'est comme ça qu'on découvre toutes les qualités qui sont dans l'univers. Vitesse, de rotation, d'éloignement, de quoi s'en font les étoiles. Tout ça, c'est les spectres. Et les spectres viennent à partir des réseaux qui sont de la diffraction. Sur la propagation des ondes, il y a une question que je voulais vous poser, puisque vous parlez de la propagation à une dimension, deux dimensions, trois dimensions. Est-ce qu'on peut en arriver ? On sait que les sujets de physique-chimie sont souvent liés à l'actualité proche ou relativement récente. Est-ce qu'on peut arriver à la quatrième dimension, c'est-à-dire aux ondes gravitationnelles ? Gravitationnelles, non, pas encore. On vient de découvrir. C'est pas un programme ? C'est pas en 2015. On est d'ailleurs, à titre personnel, je suis en train de préparer des ateliers ou d'exercices niveau terminal où on va pouvoir utiliser les ondes gravitationnelles qui sont liées en général avec des collisions de trous noirs. C'est la physique très récente, prix Nobel qui vient de tomber de l'an dernier. Mais pourquoi pas? On peut faire encore des ondes. Nobel 2017, effectivement, qu'on a largement commenté ici. Édouard Kerlig, vous avez amené un certain nombre de... Je voudrais rebondir sur les ondes gravitationnelles. Allez, bien sûr, coup, ça me semble un sujet tout à fait probable. Non pas la découverte en elle-même des ondes gravitationnelles, mais de ce qu'on a observé l'été dernier, qui est la mesure simultanée d'une onde gravitationnelle et de lumière qui provient du même objet céleste. Et un des grands intérêts de cette découverte, c'est de justement de montrer que les ondes gravitationnelles et les ondes lumineuses se propagent à la même vitesse, qui est donc la vitesse de la lumière. Alors que, donc pour vous donner un chiffre, événement qui a lieu à 130 années-lumière à peu près, le décalage au niveau de la Terre entre l'onde gravitationnelle mesurée par Virgo et LIGO, donc Virgo, l'interféromètre européen, et les ondes lumineuses qui ont été mesurées grâce à des satellites en orbite. Parce qu'il s'agit de la fusion de deux étoiles à neutrons. Hein, étoiles à neutrons. Donc c'est un événement absolument cataclysmique qui émettent une énergie considérable, à la fois en déformant l'espace-temps, c'est donc l'onde gravitationnelle que l'on a mesurée, et aussi des tas d'ondes lumineuses dans tout le spectre. Des ondes d'ailleurs qui sont étalées, l'émission a duré en fait pendant des semaines, mais la partie, le pic, a coïncidé à 2 secondes près, après 140 à 130 années-lumière. C'est le pic de coalescence. Hein. Oui. Voilà. Il faut savoir qu'une des mesures qui a été faite, c'est 2 trous noirs qui sont rencontrés. Leur masse totale de tous les deux était de 60 fois la masse du Soleil, et il y a l'équivalent de 3 masses solaires transformées instantanément en énergie. E égale MC2 avec un énorme M. Voilà, c'est pour ça que c'est un événement tout à fait énorme dans l'univers. Heureusement, ça c'est loin. Donc voilà, donc petit indice chez vous, jetez un œil tout de même à cette partie sur les ondes et aux ondes gravitationnelles et la fusion de ces 2 étoiles à neutrons, peut-être, pourquoi pas, c'est un événement dans l'actualité récente qui l'on pourrait peut-être retrouver à l'épreuve du bac 2018. Un mot donc, Édouard Kerlig, je me retourne vers vous, puisque vous êtes venu avec un certain nombre d'objets étranges en votre possession. Qu'est-ce que c'est que, pourquoi les avez-vous amenés ? Alors je les ai amenés parce que, malgré tout, pour comprendre les concept de la physique, c'est quand même parfois bien de pouvoir les visualiser et de jouer avec. Donc j'ai amené un ressort à boudin, celui en fait qui sert à dévaler les escaliers. Faire remarquer qu'avec ce genre de choses, on voit parfaitement les ondes se déplacer le long du ressort à boudin. Donc là, je décris, vous tenez un bout du ressort à boudin de chaque bout. Et si vous vous mettiez, ça serait encore mieux. On fait une petite manip. On a une onde à une dimension. Alors, on a une onde à une dimension. Expliquez-moi, Michel Alors, Faye. Une dimension, c'est une compression-dilatation qui se propage le long du ressort. Et l'avantage, donc, c'est que vous voyez d'abord que ça va de proche en proche. Et donc, on comprime des spires, vous relâchez, allez-y. Voilà. Et vous voyez, on le voit visuellement. Donc, on se rend compte que la vitesse, d'ailleurs, est assez faible, hein, si la vitesse de l'onde. En fait, le ressort oscille entre les deux points que, à partir du moment où vous avez lâché. Et si on change la tension du ressort, on va aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si vous tirez plus à chaque bout, dépend du milieu. Et puis, par ailleurs, ça montre ce que c'est qu'une onde longitudinale, c'est-à-dire dans laquelle on voit que la compression est le long de la direction de propagation. Voilà, super. Et un exemple tout bête d'onde à deux dimensions. Vous allez bientôt, dans un mois, au bord de la mer. Les vagues, les trains de vagues qui arrivent sont des ondes à deux dimensions. Et vous avez pu remarquer que pourquoi y a-t-il des vagues qui éclatent au bord de la mer? C'est que la vitesse de célérité des ondes dépend de l'épaisseur de l'eau. Plus l'eau et l'épaisseur est faible, plus la vitesse est faible. L'énergie de la vague se conservant, elle monte pour gagner l'énergie et éclate à l'arrivée. Voilà, donc les ressorts à boudin ou les vagues, application concrète de la propagation d'une onde Une dimension, à une dimension, deux dimensions. Voilà. Vous avez amené un autre objet. Alors j'ai amené un autre objet, ça s'appelle un tuyau hurleur, donc c'est censé être utilisé, je crois, plutôt dans les écoles primaires. Je trouve qu'il a quand même une efficacité pédagogique redoutable. Allons-y. Donc c'est un tuyau crénelé, c'est important, que l'on fait tournoyer au-dessus de soi et... Vous voyez, en fonction de la vitesse de rotation, j'ai pu générer des notes de hauteur différentes. Et je trouve ça intéressant parce que cela illustre un petit peu le principe de fonctionnement de la plupart des instruments de musique. C'est-à-dire pour une longueur de corde donnée ou la longueur d'un tuyau donné, pour le cas d'un instrument avant, eh bien, on est capable de générer plusieurs notes. Si on regarde un petit peu plus précisément, on s'aperçoit que les fréquences que je viens qui correspondent à la hauteur du son émise, en fait, sont proportionnelles les unes avec les autres. Et donc, ça permet de le vérifier très simplement et même quantitativement avec un jouet. Et plus Michel le tuyau Faye. Est long, plus les sons sont graves. Plus c'est court, plus les sons sont aigus. Voilà. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et voilà, il est 16h18 sur France Culture. Maintenant que nous avons fini de jouer avec les ressorts à boudin et les tuyaux hurleurs, nous allons passer au corrigé concret d'une épreuve de physique sur ce socle théorique ondes et particules. Nous allons le faire donc en compagnie tout au long de cette heure de Michel Faye, qui est professeur de physique chimie au lycée Louis le Grand, et Édouard Kirlik, professeur de physique à Sorbonne Université et chercheur au laboratoire de physique théorique de la matière condensée. Alors Michel Faye, vous nous avez amené cet exercice, voilà, son et lumière de l'an dernier, un gros exercice, il est valé sur 11 points. Ok. La première partie, c'est quoi? Elle s'appelle « Tout en couleur », c'est l'étude de la lumière émise par le feu d'artifice. Alors avant de se lancer là-dessus, il faut quand même préciser, on va vous mettre le lien vers cet exercice sur le fil Twitter, ça va être important pour que vous puissiez suivre de manière adéquate le corrigé. Il faut préciser qu'on a une première feuille qui est une série de données, dont on va avoir besoin pour la résolution. Dans cette série de données, on a notamment les caractéristiques constructeurs des deux types de fusées de feu d'artifice dont on va parler tout à l'heure, et un certain nombre de rappels, les longueurs d'onde, de la couleur, la constante de Planck, les niveaux d'intensité sonore et les risques auditifs associés. Vous allez voir que tout ça va être important pour la suite de cet exercice. Michel Faye, je vous laisse partir sur peut-être l'énoncé. Très bien. Eh bien, justement, ça commence par un texte à étudier. C'est très classique au bac maintenant. En terminale, il y a très souvent un petit article à étudier. Et cet article va mettre quoi va nous demander quel va être le type de processus d'émission de lumière lors d'un feu d'artifice. On nous explique dans l'énoncé qu'à la fois il y a un phénomène d'incandescence, en gros, on élève la température, ça chauffe, et deuxièmement, on a excitation d'atomes. Incandescence, spectre continu, atomes excités, quand ils se désexcitent, émettent des rays de lumière. Voilà. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on lise ce petit texte rapide? Je vais le faire, comme ça on aura l'énoncé à l'oreille pour les auditeurs qui n'ont pas le Twitter sous les yeux. Les feux d'artifice émettent de la lumière. Les phénomènes mis en jeu sont notamment l'incandescence et l'émission atomique. Ce que vous venez de dire, il y a tout d'abord l'incandescence des particules d'oxyde métallique formées lors de la combustion qui va du blanc-rouge aux alentours de 1000 degrés jusqu'au blanc éblouissant vers 3000 degrés. Pour l'émission atomique, les électrons de l'atome sont excités thermiquement, ce qui leur permet de passer du niveau d'énergie fondamentale à un niveau d'énergie supérieure. Au cours de leur retour vers le niveau d'énergie fondamentale, l'énergie qu'ils avaient absorbée était mise sous forme de photons dont la longueur d'onde est caractéristique de l'atome. Voilà, parfait. Donc, on a bien les deux types d'émissions, par l'émission thermique, spike continue, et l'émission, je dirais, on va émettre des rays de lumière. Et l'énoncé nous donne quelle est la couleur au moment de l'émission du photon 3. Un photon dont nous donne l'énergie en électronvolts, 1,825 électronvolts. Je rappelle la méthode, la relation à connaître de base. L'énergie, c'est la longueur d'onde de Planck, H multipliée par la fréquence, ou encore multipliée par vitesse de la lumière et divisée par la longueur d'onde. D'où, évidemment, penser à mettre tout en unité SI, c'est international, et on a donc la longueur d'onde qui est égale à H par l'énergie. Je fais grâce des calculs. Mm-hmm. Après avoir bien pensé à mettre l'énergie en joules, sachant que un électronvolt, c'est 1,6 × 10⁻⁹ joules, avec ceci, on fait le calcul, on trouve la longueur d'onde qui vaut 681 mètres, et on sait que avec la donnée de l'énoncé, le rouge, c'est entre 125 et 780. On a le tableau, hein. on vient de vous le mettre via d'ailleurs le site bien. labolycée.org qui propose des corrigés complets de, voilà. Et gratuits et bien, d'accès. De 680, c'est en plein dans le rouge, on émet donc une belle lumière rouge. Donc réponse à la question, il s'agit d'une lumière rouge. Oui, rouge. Ouais. On vous dit aussi, sans faire de calcul, il y a deux photons émis à 1,7, j'arrondis 1,8, ce qui est électronvolt, ce qui est très proche de 1,82 du premier, on peut dire que ces trois photons vont correspondre à de la lumière rouge. Ils sont très proches. Très bien. Donc la partie couleur tenait en trois questions, qui sont connaissant la relation de base E égale H nu ou H sur lambda, était, vous avez quasiment 3-4 points garantis avec ça. Édouard Kivik, un mot sur cette première partie de l'épreuve tout en couleur. Bon, non, je suis absolument d'accord. Moi, je n'ai pas tout à fait raisonné de la même façon pour la question 3. Moi, j'ai calculé le pourcentage de variation entre le photon 1 et le photon 3, le pourcentage d'énergie. C'est 4%, et effectivement, on se rend compte que les 4%, ils rentrent tout à fait dans le domaine, dans le domaine rouge. Voilà, donc deux, vous voyez, mais on arrive, non, mais c'est intéressant de montrer qu'on arrive au résultat par deux modes de raisonnement différents. Simplement, il faut justifier sa réponse, et quelle que soit la méthode, si la méthode est bonne, c'est justifié, vous avez le maximum des points. Bon, donc justifiez bien votre réponse, voilà, deux méthodes pour arriver au résultat de cette première partie. Deuxième partie, on quitte, là pour le coup, le spectre lumineux, et on va parler de trajectoire, donc on passe en mécanique. En mécanique, au fond, Michel Faye. Là, on tombe sur l'étude d'une particule en mécanique classique. La particule, c'est quoi? C'est la fusée qu'on assimile toujours en terminale à un point. Voilà. On peut quand même dire que c'est vraiment une des parties les plus balisées du programme de terminale. À la fin, on va trouver une trajectoire parabolique que tous les lycéens ont fait et sans doute refait tout au long de l'année. Première, oui. Enfin, même, c'est vraiment du basique de chez basique. C'est vraiment l'une des. Une chose à ne pas faire l'impasse, c'est vraiment ceci. Très bien. Est-ce qu'on en dit quelque chose? On se dit que finalement c'est facile et qu'on passe à la question suivante. Oui, c'est facile. C'est vraiment tout étude. Tout élève terminal a fait au moins le début de l'exercice. Bon, j'ai quand même une mise en garde. Tout à fait. Je me permettrai une mise en garde. C'est dans le nom de fait d'ailleurs. Quand vous regardez la question 2.1, on vous demande des expressions littérales de vecteur vitesse projetés sur les deux axes horizontaux X et l'axe vertical Y. Et en revanche, quand vous regardez la question 2.3, vous trouvez des lois horaires avec des nombres. Alors, vous pouvez juste nous leur dire quand même, pour qu'on voilà, essaie d'identifier un peu de quoi il s'agit. 2.3, x égale 12,1t et y égale moins 4,91 fois t au carré plus 68,4t. Je voudrais juste rappeler que soit on mène des calculs dits littéraux, avec des symboles, soit on passe à l'application numérique, mais on évite, comme cela arrive trop souvent, de mélanger les deux, c'est-à-dire de se retrouver avec des formules un petit peu bâtardes dans lesquelles on a à la fois des symboles et des chiffres et c'est pas contrôlé. Donc là, il y a un moment donné entre cette question 2.1 et 2.3 où il faut faire le choix de l'application numérique. En toute logique, c'est après la question 2.2. Il est bien évident que lorsque dans une équation horaire, une équation quelconque, on ne met pas que des lettres, mais qu'on donne des valeurs numériques, ça implique obligatoirement de préciser les unités pour toutes les valeurs indiquées. Évidemment, alors toujours, qu'en littéral, ça, on peut s'en passer. On ne le rappellera jamais assez, on ne fait pas d'équation, on ne donne pas de résultats sans préciser les unités, ce qui permet, et on y reviendra tout à l'heure en méthodologie, évidemment aussi de vérifier les ordres de grandeur qui sont évidemment très importants en physique-chimie et en physique en particulier. On va passer à la troisième partie. Alors, juste avant quand même, il y avait la dernière question de cette partie-là était intéressante parce que le résultat qu'on trouve, c'est pas celui qui est donné dans l'énoncé. Ah. Et on vous demande pourquoi on ne trouve pas théoriquement le même résultat. Eh bien, c'est que quand on fait le calcul, on suppose qu'il n'y a pas de frottement. Or, tout le monde sait que dans l'air, plus on va vite en plus, plus il y a de frottement. Et la question 5 demande comme réponse, on ne trouve pas la valeur théorique attendue à cause des frottements. On a négligé les frottements pour faire notre calcul théorique. Si on introduit les frottements, automatiquement, la hauteur atteinte sera plus faible. Voilà. Très bien. Ça, c'est Édouard Kirlik, un mot à ce propos ? Oui, moi, en fait, quand on fait l'application numérique, notamment, on sait que la vitesse initiale, c'est 250 km/h. Et j'ai trouvé ça le chiffre intéressant parce que c'est pas loin, finalement, de ce qu'on appelle la vitesse limite de chute d'un parachutiste. Oui. Donc, cette équivalence des ordres de grandeur peut suggérer quand même qu'on ne peut plus les négliger. On n'est plus dans un domaine où les frottements aérodynamiques puissent être négligés. Voilà. Troisième partie, donc. Eh bien, troisième partie. On arrive à la troisième et dernière partie de cet exercice qui s'appelle le marron d'air. Le marron d'air. Alors, en gros, c'est la grosse pièce qui fait un gros boom, là. Les explosions, à la fin du feu d'artifice en général, on envoie des gros pétards, voilà, si vous voulez. C'est le bouquet final. Bouquet final, c'est ça. Il y a la lumière et il y a aussi le son. Alors, on vous demande toujours pareil de calculer la hauteur maximale atteinte, mais l'énoncé est très gentil, il vous donne même la relation. Donc, il suffit juste de remplacer les données par leur valeur et on trouve la hauteur maximale atteinte qui est bien sûr supérieure à la valeur officielle. Est-ce qu'on peut peut-être lire en quelques mots parce que l'énoncé est relativement court au tout début? Vous pensez ce sera simple? Non? Allez-y. C'est moi, là, j'y vais. Au début et à la fin de chaque feu d'artifice, les artificiers utilisent une pièce pyrotechnique appelée marron d'air pour obtenir une détonation brève et puissante. Désireux de l'envoyer le plus haut possible, ils effectuent un tir vertical avec une vitesse initiale VI. Par la suite, on suppose que la pièce n'éclate pas avant d'atteindre sa hauteur maximale H. D'où trois questions, Michel Faye. Alors, la première, on vous demande de montrer que la hauteur maximale est donnée par la relation H égale VI carré sur 2G. On vous donne le résultat. Comment on peut le trouver? Eh bien, dans l'énoncé avant, il y avait un angle alpha. Quand on tire de manière verticale, alpha, c'est l'angle droit. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on arrive donc la valeur pour alpha, pour cosinus alpha égale, pour sinus alpha égale 90 degrés, ça vaut 1. Et donc, la relation trouvée précédemment arrive, c'est le Y d'avant qui devient le H ici. Alors évidemment, tout ça est un peu conceptuel à l'antenne, mais comme d'habitude, on va vous mettre l'épreuve et le corriger en direct sur le fil Twitter de l'émission Édouard Kirlik. Oui, c'était juste pour signaler que l'énoncé suggérait quand même d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie cinétique 1/2 de m fois la vitesse au carré, l'énergie potentielle de pesanteur mg fois l'altitude. Et là, du coup, entre le moment initial où on est au sol, donc pas d'altitude, pas d'énergie potentielle, en tout cas on la prend égale à zéro, et une vitesse initiale vi qui donne 1/2 de mvi carré, et la position finale où Du coup, le marron d'air est à l'arrêt, mais en revanche, il a de l'énergie potentielle MGH. Okay. On retrouve la relation donnée. Et c'est méthodes. Intéressant quand même parce que ça illustre encore une fois un processus de conversion d'énergie, ici, de l'énergie cinétique transformée en énergie potentielle. Ce qui est assez classique aussi dans les épreuves de transformation de l'énergie. Michel Faye. Ce qui est intéressant, la dernière question, on va parler des décibels. Voilà, on passe au son. Et donc, on va utiliser des grandeurs logarithmiques, qu'on ne fait pas trop, c'est vrai, et intéressantes. Alors, pour éviter qu'il y ait trop de difficultés, l'énoncé, d'où l'intérêt de bien l'énoncé, va nous donner la relation du niveau sonore en fonction des distances. On vous donne à l'énoncé que le niveau sonore L diminue avec la distance D, suivant la relation L2 égale L1 plus 20, log décimal de D1 sur D2. D1, ça correspond au niveau L1 et D2 au niveau L2. Qu'est-ce qu'il faut ? On vous donne la distance de l'artificier par rapport à la projection au sol. Par Pythagore, la distance de l'artificier par rapport au point d'éclatement se trouve à 95 mètres, en l'occurrence. À 95 mètres, par rapport au point en bas, au sol. Mais la distance par rapport au point d'éclatement E, la distance AE pour ceux qui ont le schéma, eh bien on appelle plus Pythagore A au carré, c'est L carré plus H carré. On prend la racine, c'est fait. Voilà. L'autre, D1, c'était quoi ? Eh bien, on vous le donne, ceci. Par rapport au sol, c'est la distance donc D1 par rapport au sol. Il suffit d'appliquer bêtement la relation. On connaît D1, on connaît D2, d'où L2. Et en faisant, comme D2 est plus grand que D1, le logarithme, il est négatif. Donc, on va trouver une valeur plus petite, bien sûr, que la valeur initiale. Et on va trouver 95 dB, je crois, de mémoire. Ou 102, excusez-moi. Je vous dis ça tout de suite. La valeur numérique. Moi, j'ai calculé 102 décibels. 102, ah, 102, on n'a pas les mêmes résultats. C'est vrai. 102, c'est 102 décibels. 102 décibels, c'est ça. Et on constate, en utilisant l'échelle des niveaux donnés, dans la première page de l'énoncé, qu'on est dans le difficilement supportable. Dans l'artificier. Oui, ça, c'était le tableau qui est donné, le tableau de données qui est tout en bas de la page. Des données de l'exercice, on se rend compte qu'il n'est pas en danger de perte sonore, mais il a intérêt à mettre des bouchons quand même, parce que c'est difficilement supportable. Ce qui est la réponse à la troisième question, Édouard Kirlik, sur cette question. Non, je voudrais juste signaler, quand on relit maintenant l'énoncé, c'est qu'on voit que finalement, les concepts de science sont basiques, ont bien été vus tout au long de l'année. Et la difficulté, me semble-t-il, pour le lycéen, c'est qu'on a une contextualisation qui peut effectivement être assez différente avec la manière dont ça a été introduit dans son cours. C'est là une des vraies difficultés de l'épreuve, être en capacité d'exploiter ses connaissances et de les transporter sur un autre sujet inattendu, ici les feux d'artifice, et on voit que chaque année ça peut donner lieu à des thématiques très concrètes, mais très différentes aussi. C'est la difficulté effectivement de traduction sur des énoncés un peu plus libres, notamment dans la troisième partie de la traduction en équation, de comprendre effectivement à quoi il faut faire appel dans le socle de connaissances pour pouvoir la traduire en équation concrète, Michel Faye. Mais cet exercice est quand même très intéressant parce qu'il arrive à mélanger à la fois parler des ondes lumineuses, des particules, énergie à la fois en Newton, par énergie mécanique, conservation, et in fine, par étude du son et d'intensité sonore. C'est très complet, ce sont des choses de programme classique, mais qui forment un tout dans cet exercice. Voilà, corrigé de cet exercice 2 du sujet du bac S de physique chimie 2017. Hein, on vous a remis, je vous le rappelle, non seulement l'exercice, mais les corrigés via le site labolycée.org. Tout ça sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Just act like we care. All we need is. 16h37, vous écoutez France Culture, la méthode scientifique. Nous poursuivons et nous concluons cette semaine de révision des épreuves du bac par la physique avec Michel Faye, qui est professeur de physique chimie au lycée Louis le Grand et directeur de la préparation aux Olympiades de physique chimie, et Édouard Kirlik, qui est professeur de physique à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire de physique théorique de la matière condensée. Alors, après une première partie de révision, on départicule grâce à un tuyau hurleur et un ressort à boudin, et après une deuxième partie de correction de l'épreuve de physique chimie de la deuxième partie de 2017, on va passer à la partie méthodologie. Michel Faye, je le rappelle, vous avez promis 3 à 4 points de plus sur une copie à niveau de connaissance égale. J'ai envie d'utiliser l'expression anglaise pour vous dire do your magic. Yes. Faites votre magie. Allez, 4 points de plus. Alors, j'ai d'abord, la fin là, je change un peu de casquette. Je vais parler en tant que correcteur de copie de bac. Très j'en bien. Ai corrigé beaucoup. Alors, 3-4 points, why not? D'abord, première chose, les conseils. L'épreuve, d'abord, comment s'organiser le temps? L'épreuve de physique chimie, elle dure 3h30. Un bon calcul, ça fait 210 minutes. Ça tombe bien, l'épreuve, elle est sur 20 points. Et vous avez les 3 exercices où on indique combien valent chaque exercice. Par exemple, pour l'épreuve de l'an dernier, il y a un premier sujet de chimie à 4 points, un deuxième physique à 11 points et un dernier à 5 points. C'est celui de 11 points, c'est celui que nous avons résolu tout à l'heure points, dans le quart d'heure précédent. Tout à fait. Donc, il faut éviter de se faire prendre par le temps. C'est-à-dire quand on joue aux échecs, on n'a plus de temps, on ne sait plus quoi faire. Une règle toute bête, c'est de dire, on va s'attribuer 10 minutes par point. Un exercice sur 5 points, 50 points. En tout cas, 20 points, ça fera 200 points. Il vous reste 10 minutes. Alors, je propose d'abord, on prend au départ 5 minutes pour lire attentivement le sujet en entier. Et on ne commencera pas forcément par le premier exercice, mais celui qui vous paraît le plus facile. C'est bon pour le moral, et en plus, vous engorgez des points. Mais une fois que le temps que vous avez prévu écoulé est passé, on passe au suivant. Ah oui, c'est-à-dire que vraiment, même si on n'a pas terminé l'exercice, oui, quand on a mieux. Terminé, vraiment quand on a terminé le temps, c'est-à-dire à partir de, vous avez dit 5 minutes 5, par point. Non, 10 minutes par 10 point. 10 minutes par point, excuse-moi. 10 minutes par point, donc quand on arrive sur un exercice au bout de 50 c'est minutes, fondamental. C'est fini, on arrête. Même si ce n'est pas fini. C'est pas fini. Bon. On gagnera plus de points si on est faible à commencer tout l'exercice que de s'enferrer sur un seul exercice. Première chose. Et aussi, sinon, deuxième seul exercice, à la fin, c'est l'affolement garanti pour faire les autres. Non. Autre chose aussi, on garde toujours 5 minutes à la fin pour relire la copie, bien numéroter les pages, penser à rendre toutes les copies. Sur 100 candidats, il y a toujours un ou deux qui oublient de rendre une feuille. Vous précisez, c'est peut-être bête à dire, mais chaque exercice sur une copie différente, voilà, et on numérote. Justement. Voilà, justement. Autre chose. Je conseille de ne pas faire de brouillon. Par contre, prévoyez une copie double par exercice. En gros, vous préparez trois copies doubles, une par exercice. Si vraiment un exercice vous l'avez totalement raté, vous pouvez changer de copie et ça n'affecte pas les deux autres. Du temps de gagner. Et le brouillon qu'on recopie, le fait de recopier fait perdre du temps et peut entraîner des erreurs. Deuxièmement, comment on présente les copies ? D'abord, on ne recopie pas un énoncé, ça ne sert à rien. Bon. Il faut écrire lisiblement. Vous me dire, j'écris très mal. Alors dans ce cas, si on écrit mal, on écrit gros. Au moins, pas de pâte de mouche, gros et aéré. Le papier, n'hésitez pas, vous écrivez bien. Autre chose, on ne change pas les notations de l'énoncé. Même si ça ne vous plaise pas, vous gardez les notations de l'énoncé. Si vous en introduisez de nouvelles, il faut bien les définir. Quand vous faites des schémas, il les faut clairs et grands. Pas de format timbre-poste. Ne pas hésiter. Et mettez de la couleur, évitez le rouge, mais ce n'est pas interdit, mais au moins pas que du rouge en tout cas. Faites de beaux schémas. Un beau schéma, c'est toujours bien apprécié. Quand vous faites des graphiques, des graphes, pensez à marquer le nom des axes, l'origine et les unités. C'est du basique de basique, mais les il faut unités, le faire. C'est important, mais oui, parce qu'on le pense et il faut peut-être le rappeler aussi. Ça paraît évident comme ça, quand on l'entend ou quand on révise. En condition d'examen, on est un peu plus stressé. Et parfois, des choses qui paraissent évidentes quand on les dit et quand on les répète, on oublie de les faire en condition d'examen, justement parce qu'on est plus déstabilisé et un peu inquiet. Donc, il faut rappeler que les unités sur les graphes, à la fin des équations, c'est toujours important de les rappeler. Je te rappelle. D'abord... Essentiel. Quand on a fait notre calcul, d'abord on fait un calcul littéral. Comme ça, même si le calcul numérique est faux, au moins notre calcul littéral y est. Après, quand on fait l'application numérique, n'oubliez pas les unités. Ça, c'est vraiment fondamental. Un résultat où il n'y a pas l'unité, on perd au moins la moitié des points, voire la totalité des points prévus pour l'application numérique. Une fois qu'on a un résultat, deux choses à penser. Il faut d'abord voir si le résultat il est logique ou pas. On voit l'ordre de grandeur. Si vous trouvez qu'une mouche se déplace à 500 mètres par seconde, vous avez quelques... on se dit, il y a un truc. Voilà. Petit problème. Il faut surtout ne jamais laisser un résultat débile ou qui paraît surréaliste. Alors, question juste tout de même à ce propos, Michel Fay, quand par exemple j'arrive au bout et je me rends compte que mon résultat, que ma mouche vole à 500 mètres par seconde, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que tout est faux, ça veut dire que je jette tout. Est-ce que je dis, j'arrive à ce résultat, je me rends compte que je me suis trompé quelque part, mais je laisse le cheminement, le parcours, que faire? Alors, déjà, si vous avez fait le calcul littéral, il y a un peu moins de mal. Deux options après, vous avez du temps encore ou peu de temps? Si vous avez peu de temps, vous dites, mon résultat est hors de proportion. Il me paraît débile. Il me paraît injuste. Débile, injuste. On peut le dire parfois. C'est une mouche à 500 mètres par seconde, c'est plus qu'injuste. Donc, je le dis, surtout ne pas laisser un résultat incohérent sans commentaire. Si vous avez plus de temps, vous reprenez votre calcul. Ça peut être soit une erreur d'unité, soit une touche à calculatrice qui a été mal faite. On reprend. Tout dépend le temps qu'on a. L'autre chose aussi où je tiens vraiment à insister, c'est le nombre de chiffres significatif. Et il y a une règle d'or, le résultat n'est jamais plus précis que les données. Dans l'exercice de tout à l'heure, il y avait des données au maximum à 3 chiffres, le résultat auront que 3 chiffres maximum significatifs. S'il n'y a que 2, il y en aura 2. Mais jamais plus. Ça, c'est une règle d'or. Je sais que calculatrice donne 10 chiffres, mais recopier les 10 chiffres, c'est très, très mal vu. Et en plus, d'un point de vue scientifique, c'est débile. Pourquoi? J'aime bien dire ce mot, c'est pas grave. Ça marque un peu les pourquoi esprits. Pas. Pourquoi? Parce qu'en physique, le nombre de chiffres significatifs indique la précision du résultat. Plus on met de chiffres, plus on est sûr de son résultat. En astronomie, parfois, on met que un chiffre. On travaille à 20-30%, ça peut arriver. Donc, l'ordre de grandeur, les unités, le nombre de chiffres significatifs, on doit systématiquement passer ça cette grille à chaque résultat numérique de manière systématique. Édouard Kierlik. Je voudrais compléter des propos de Michel Fay que je partage très largement. Je peux prodiguer les mêmes conseils aux étudiants de premier cycle universitaire. D'abord, effectivement, rappelons que les barèmes sont conçus aujourd'hui de telle façon que les questions les plus difficiles ne sont pas forcément les questions qui donnent le plus de points. Ça, c'est important à rappeler. Il faut le rappeler. Mmh. Ce n'est pas le problème du candidat, non. C'est le problème de celui qui a conçu l'épreuve et après des correcteurs. Donc le candidat là-dessus, il doit être totalement décomplexé et on ne peut qu'abonder dans les propos de Michel. Il faut faire les premières parties de chaque exercice. C'est absolument indispensable. C'est vrai en plus que c'est les questions les plus basiques, les plus faciles, les plus revues tout au long de l'année. Donc c'est absolument donc important. Donc vous confirmez ce conseil de Michel Fay, de dire si j'arrive à la fin du temps prévu pour un exercice, tant pis si je ne vais pas à la fin, il vaut mieux prendre les points du début de l'exercice d'après. On ne peut mettre des points qu'à des questions auxquelles on a répondu. Sinon, ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien. Non, mais c'est important parce que quand on est dans un exercice, on le sait tous, quand on est dans un exercice, on a envie de le terminer, on a envie d'aller jusqu'au bout et ça devient compliqué. La dernière question est plus difficile. Ce n'est pas le jour. Voilà. Ce n'est pas intellectuellement satisfaisant, mais on doit faire une exception le jour du bac et le jour des concours d'ailleurs, pour viser une stratégie un peu plus optimale. Et c'est pour cela qu'une bonne stratégie permet de gagner 1, 2, 3, parfois 4 points. Et ceci, même si ça fait un crève-cœur de s'arrêter dans l'exercice, il faut vraiment le faire. Et comme dit mon collègue, les questions faciles sont au baccalauréat parfois plus payées que les questions difficiles. On peut trouver ça injuste, mais c'est la réalité. Le deuxième point que je vous ai ajouté, vous avez parlé des schémas. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important de faire un schéma clair. Et il ne faut pas oublier que ça peut aussi aider le lycéen à construire son raisonnement en dessinant quelque chose effectivement de judicieux. Tout à l'heure, par exemple, à cette idée-là, je lance mon marron d'air en l'air et puis quelle est la hauteur atteinte. Si on fait un bon schéma, avec le sol, la position initiale, la position finale, avec en mettant des indices, par exemple I pour la position initiale, F pour la position finale, en nommant correctement les grandeurs. Donc ce petit travail contient en soi déjà pratiquement la réponse. Donc ça peut, non seulement le schéma qui est parfois demandé dans l'épreuve, mais aussi le schéma que peut faire spontanément le lycéen pour construire son raisonnement, c'est quelque chose d'appréciable. Et il faut absolument qu'il en use. Dernier point pour les applications numériques. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais pour le coup, la manière dont je les pose, j'essaie de convaincre mes étudiants, ils ne m'écoutent jamais. C'est que c'est l'occasion ou jamais. Une fois que l'on a l'expression littérale, moi, je remplace, terme à terme, j'écris sur ma feuille tous les chiffres. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y a un calcul qui est haché sur lambda, hein, donc la constante de Planck fois la vitesse de la lumière divisée par l'énergie du photon, eh bien je vais écrire H égale 6,64 10.34, c'est égal 3 10 puissance 8. Je vais l'écrire explicitement au lieu de ce que font parfois les lycéens et les étudiants, de saisir directement sur la calculatrice. À la calculatrice. Mmh. Mais du coup, quand il y a une erreur, justement, quand ils se rendent compte que leur résultat n'est peut-être pas forcément très cohérent, ils ne savent pas où ils ont commis l'erreur. Donc ça me paraît absolument indispensable de l'écrire explicitement. Et en plus, quand on a l'habitude, on voit un petit peu tout de suite l'ordre de grandeur du résultat que l'on va trouver. Michel Fay, la suite des conseils méthodologiques pour avoir 4 points en plus en physique. Autre chose aussi, il y a des exercices, une question on ne sait pas faire. Mais rien que le fait de faire un beau schéma, en posant les données, vous allez gratter un quart, un demi-point. Coefficient 6 à 8, vous avez gagné 2 points. Et comme on arrondit au point supérieur, si vous basculez juste, vous avez gagné 8 points uniquement et fait un beau schéma. Je corrèle tout à fait ce que dit mon collègue, c'est qu'après la formule littérale, marquer les unités, chaque donnée, sa valeur, et la mettre dans la bonne unité, en SI. Là, il y avait par exemple une donnée en électron-vol. Oui. Savoir la convertir dans le système SI en joules peut faire gagner aussi des points parce qu'on voit ce qu'on fait. Mm-hmm. Et normalement, un sujet de bac de 3h30 se fait largement dans les temps. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas une épreuve top chrono. Si j'ai terminé tranquille, large, une demi-heure avant la fin, donc c'est plié, je m'en vais, je sors ? Jamais. On ne sort jamais avant la fin de l'épreuve. Ça, c'est vraiment, ça fait bien devant les copains pour dire je roule les mécaniques, mais dans un examen ou d'un concours, c'est cela à ne pas faire. Je précise bien quand on est terminé vos copies, vous n'avez pas à les terminer. D'abord déjà, numérotez toutes vos feuilles, voire vos pages. Et Je veux dire pourquoi. Très souvent, on a eu au bac, on a des copies doubles. Vous écrivez sur la page 1, vous écrivez sur la page 2, et le haut de la page 3, et après c'est un grand blanc. Et puis vous avez écrit sur la page 4. Il arrive souvent que quand l'examinateur il voit que vous arrêtez en haut de la page 3, il ne va pas tourner, la feuille. Et ce ne sera pas été corrigé. Ça arrive de temps en temps, j'ai vu ça. La meilleure solution, c'est pas... Correcteur pas très scrupuleux quand même. Ben oui, ça arrive. Donc, dans ce cas-là, c'est, on ne numérotait pas, je n'ai pas 1, 2, 3, 4. On dit, si on a fait 15 pages, on dit 1 sur 15, 2 sur 15, 3 sur 15. Etc. L'examinateur sait qu'il y a le correcteur, il sait qu'il y a 15 pages. Alors, si vous mettez 1, 2, 3, 4, il ne sait pas quand vous arrêtez. Petit truc, numérotez bien à la fin l'intégralité de vos copies. En précisant Le nombre total de pages. Édouard Kerik, vous vouliez... Alors, j'avais un propos, mais je le trouve peut-être assez inquiétant pour les lycéens, alors je ne sais pas. Je voulais rappeler quand même que tout ça, ça se travaille tout au long de l'année. Hein. Il n'y a pas non plus de miracle. Ça veut dire, par exemple, avoir conscience que son résultat est quand même pas tout à fait juste, son résultat numérique, il est un petit peu bizarre. Être capable de faire un schéma quand même rapidement, connaître un certain nombre de formules qu'on n'est pas à hésiter dessus. Là, par exemple, tout n'était pas rappelé. Non. On ne donnait pas les expressions de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle, de l'énergie, de la relation entre de l'énergie du photon. Il y a marqué sur la première page du document la valeur de la célérité de la lumière dans le vide est supposée connue du candidat. Ouais. Donc, on ne vous rappelle pas la vitesse de la lumière. Et ça, c'est des choses qui, quand même, se travaillent aussi dans la durée. Donc là, il reste quelques semaines avant les épreuves. C'est quand même le moment de retravailler ça, de retravailler dans les conditions de l'épreuve pour se rendre compte que qu'est-ce que ça veut dire d'être passer tout des annales, seul. Faire des annales, ça marche. Oui, c'est tout à fait légitime de faire des calculs avec sa calculatrice, de se rendre compte que ça vous prend avez du amené temps. Aussi. Oui, ben oui, ben figurez-vous, je ne l'ai fait pas au hasard et ça prend du temps. Et il faut réaliser que ça prend du temps de faire un calcul numérique correctement. Par Michel contre, Faille. Il faut éviter actuellement en révise de cours, mais quand on arrive au baccalauréat, on ne révise plus. Les derniers jours, il faut être en forme, dormir et bien savoir sa méthode, savoir comment je vais réagir, paraît plus important que de faire une énième annale la veille du bac ou deux jours avant, ça ne sert plus à rien. Alors ça, c'est un conseil qu'on donne souvent dans la pratique. On sait bien que les lycéens ou les étudiants plus tard révisent souvent jusqu'à la veille des examens, parfois même un peu tard la veille des examens, parce qu'on a toujours un peu peur. Vous le conseillez, vous le déconseillez vraiment bien, fermement. L'expérience montre, alors ils le font surtout pour se donner bonne conscience, au dernier moment, ou pour du stress, mais l'incendie montre qu'il y a tellement d'erreurs, d'étourderie ou de fatigue, car l'épreuve dure plusieurs jours, qu'à être en forme physique, il y a un point important qui peut faire gagner des points en évitant des bêtises. Donc une soupe et au lit à 21h30. Un mot tout de même sur les révisions, puisqu'on est dans la dernière ligne droite. S'il y a vraiment une partie du programme qui ne passe pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une impasse, hein, c'est vraiment des difficultés de compréhension, des exercices avec lesquels on a du mal. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour faire en sorte que ça aille un peu mieux? Est-ce qu'il faut laisser tomber? Est-ce qu'il faut insister? Est-ce qu'il faut faire plus d'exercices? Comment est-ce qu'on peut faire pour... oui, Michel. Alors, a priori, le professeur de la classe prépare un peu un programme de révision et doit laisser, enfin moi je le faisais dans ma classe, la dernière semaine qu'on travaillait, c'était les élèves qui posaient les questions, pas le professeur. Et ne pas hésiter, la dernière semaine avec ses professeurs, de dire voilà, tel point, tel point, tel point. Pas la peine de refaire trois fois la même chose, ça ne sert à rien, on a compris. Les points, justement, comme vous dites, qui posent problème, il faut les poser au professeur, c'est vraiment les dernières choses à faire. Édouard Kerik. Moi, je conseillerais aussi, si on en a la possibilité, de multiplier les sources. Parce que parfois, le lire ou l'entendre avec une autre source, ça peut par exemple être... Donc, par exemple, moi, je n'hésite pas à regarder ce qui se dit parfois sur la Wikipédia. Parce que pour la physique, c'est pas, la plupart du temps, il n'y a pas d'enjeu réel, donc c'est plutôt fiable. Donc, lire quelque chose de différent par rapport à son cours, ça peut parfois aider à débloquer. Hein, demander à une copine ou un copain qui arrive bien, qui est fort cours, dans ce... Un autre ouvrage, aller voir sur un site web fiable. Alors la difficulté, c'est de trouver le site web fiable, mais ça peut vraiment aider. Aussi, quelque chose qui fait gagner un quart de demi-point, qui peut être arrondi 8 points. Un demi-point en plus, on va passer à 4,5 bientôt. C'est quoi? C'est de faire une remarque dans l'énoncé. on a parlé des ondes gravitationnelles. Eh bien, si avec ces exercices-là, on pourrait dire, mais justement, c'était le prix de Nobel 2017, et c'est, ça nous a permis de vérifier le modèle qu'on avait du Big Bang, tout ça, il était prévu par Einstein, on y arrive, c'était prévu, tout ça. Si on peut faire moins de culture scientifique, en général, vous pouvez gagner un petit bonus. Certains vont mettre jusqu'à mettre un point complet pour vraiment, tiens, c'est quelqu'un qui a réfléchi, quelqu'un de la culture, vous avez un quelqu'un bonus, qui a écouté la méthode scientifique toute l'année, par exemple. Voilà. Et avec ceci, il arrive encore à gagner. Ça peut, vu que les notes sont toujours arrondies au point, on peut dire au point supérieur, ça peut, question 6 ou 8, gagner 6 points, 8 points. Puisqu'on parle, pour conclure, et on arrive dans les dernières minutes de cette émission, puisqu'on parle justement des ondes gravitationnelles, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que ces épreuves scientifiques sont souvent corrélées à l'actualité scientifique. Ça veut dire quoi? Alors, on va faire un peu des prévisions au doigt mouillé, ce qui n'est pas très scientifique, je vous l'accorde, mais ça veut dire quoi? L'espace, les satellites, Thomas Pesquet, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous, instinctivement, vous iriez gratter un peu plus en disant « Tiens, ça, c'est dans l'air du temps ». Édouard Kirlik. Ouh là là, la vision de cette nature-là, j'aime pas trop. Alors, non, mais on c'est on vrai pas en train que de dans les ondes gravitationnelles, c'est vrai. C'est... Le point commun avec les autres ondes est tellement fort, on peut en faire quelque chose dans une épreuve du bac. Bon, Thomas Pesquet le montrait en apesanteur dans un satellite. On voit très très bien le genre de questions que l'on peut se poser, notamment puisque c'est au programme, hein, l'orbite circulaire autour de la Terre. Donc voilà, c'est des points qui paraissent évidents, mais ensuite l'imagination des concepteurs de sujets est sans limite. On peut aussi interroger les relations entre la physique et la biologie, par exemple, qui est quand même quelque chose qui revient de façon de plus en plus nette dans l'actualité. Donc. Michel Fay vient de dégainer ses fiches magiques. Non, pas des fiches, c'est des photos. C'est des photos. Par exemple, on aime bien faire des choses liées un peu à l'actualité. Il y a eu l'an dernier une éclipse totale du Soleil aux USA, je vous la donne d'ailleurs. Très belle. On peut c'est vous qui l'avez prise. C'est vrai. Wow. Et avec ceci, merci, on peut demander magnifique. À étudier par le mouvement de la Lune du Soleil, c'est dans le programme de terminale, et en plus étudier la lumière émise, voir ce qui est d'absorption, soit ce qui est d'émission. Voici par exemple, et on a le document, veuillez dire ce qui correspond ou pas. Autre chose aussi, on a eu par exemple l'étude de l'ISS, et aussi les satellites qui permettent les GPS, comment ça fonctionne, la distance. Galiléo, on a parlé, pourquoi pas, on fait Galiléo. Donc c'est vrai que l'astronomie, l'astrophysique, ayant des nouveautés quasiment chaque mois, est un domaine privilégié des nouveaux exercices. Voilà, comme quoi, en écoutant la méthode scientifique toute l'année, vous avez des chances de grappiller quelques points de plus au baccalauréat en physique, chimie. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux. Merci Michel Fay. Merci Édouard Kirlik. Et dans un tout autre domaine, je vous rappelle que c'est hier qu'est sorti le nouveau numéro des Idées Claires. Hein, chaque semaine, une réponse à une idée reçue, à une fake news, une question un peu de désinformation. Nous avons posé la question de savoir si l'immigration mettait en péril la démographie française. Voilà. C'est le podcast des Idées Claires de la semaine que vous pourrez trouver sur votre application de podcast ou ainsi que sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Sarah Higeman, Sève Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est le dernier épisode de la série documentaire de la semaine. Homme, animal, une frontière fragile par le camarade Michel Alberganti et Manouchak Fachaï. Tout à l'heure, dans Du grain à moudre à 18h20, Hervé Gardette demandera à ses invités si l'interprétation du Coran est datée. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, c'est un vendredi science-fiction. Nous changerons de continent direction l'Afrique du futur et un mouvement artistique popularisé récemment par le film Black Panther, l'afrofuturisme. Nous en parlerons avec l'écrivaine américaine Neddy Okorafor, auteur de Qui a peur de la mort, bientôt adapté en série sur HBO. Et c'est pour le moment traduit et publié chez ActuSF. Voilà, on en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.